Laddie-lam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Clair obscur, une histoire écrite et lue par J0305. Chapitre 1, Kagami. La femme était assise sur son trône comme une reine, et son familier, un gros chat noir à poils longs, se trouvait allongé sur ses cuisses de tout son long. Elle le caressait distraitement d'une main, et de l'autre, elle fit signe à Kagami de s'avancer. D'épaisses mèches sombres cachaient en partie son visage, mais un sourire amusé transparaissait à travers le rideau que formaient ses cheveux. Lady Noire, la maîtresse du coven où Kagami désirait entrer. Son pouvoir la précédait parmi les sorcières. Kagami ne possédait pas de magie elle-même, mais elle s'y intéressait depuis l'enfance et avait toujours été attirée par l'aspect spirituel qui y était relié. « On m'a dit que tu souhaitais devenir une dame !» commença la femme d'une voix mielleuse. « Pourquoi devrais-je te choisir et pas une autre ?» Le regard de Lady Noire s'ancra dans le sien, aussi perçant qu'un corbeau. Kagami s'arma d'une assurance qu'elle n'était pas certaine de réellement posséder et déclara d'un ton tranchant. « Je suis la meilleure escrimeuse que vous allez rencontrer. Donnez-moi une épée et je jurerai sur ma propre vie de protéger votre coven. » « Audacieuse, j'aime bien. Suis-je autorisée à t'affronter moi-même ?»« Bien sûr, maîtresse. » Lady Noire avait insisté pour que le combat se déroule à l'extérieur et non dans la salle d'armes. Kagami n'avait pu qu'accepter. Des rafales de vent leur fouettaient les joues, les glaçant jusqu'aux os. Kagami devait porter des gants pour ne pas avoir les doigts congelés, mais malgré tout, le froid semblait s'insinuer sous les couches de vêtements qu'elle portait. Lady Noire avait attaché ses cheveux. Ils formaient désormais une longue tresse serrée qui dépassait de son casque. Kagami la trouvait magnifique. Une confiance inégalée se dégageait de chacun de ses gestes. Cette femme était une force de la nature, probablement l'une des sorcières les plus puissantes au monde. « En garde !» dit Lady Noire. Kagami eut l'impression qu'elle s'était préparée toute sa vie à cet instant. L'angoisse lui dévorait les entrailles. « En garde !» répondit-elle, fière que sa voix n'ait pas trahi son état. Lady Noire attaqua aussitôt, vive comme l'éclair. Leurs lames se rencontrèrent dans un fracas métallique qui retentit dans la cour. Kagami fut surprise par la force de l'impact. Elle ne s'était pas attendue à ce que son opposante soit si forte. Toutefois, elle ne se laissa pas déconcentrer et contre-attaqua à son tour. La sorcière évita le coup, se déplaçant si vite que l'escrimeuse crut voir flou. La pointe de l'épée de Kagami atterrit dans la neige à ses pieds, et avant même qu'elle n'ait le temps de se redresser, Lady Noire brandit la sienne. Ses réflexes prirent le dessus, et son pied bloqua l'arme juste avant qu'elle ne puisse toucher son torse. Or, son opposante en profita pour la frapper elle aussi avec son pied, et Kagami ne fut pas assez rapide cette fois. Elle perdit l'équilibre et bascula vers l'arrière. Le tapis de neige au sol amortit un peu le choc, mais le froid lui mordit la peau. La seconde suivante, Lady Noire était au-dessus d'elle, une jambe de chaque côté de ses hanches, et la lame de son épée pressée contre sa gorge. Juste assez fort pour être douloureux, mais pas assez pour que le sang perle. Un sourire victorieux étirait ses lèvres. Elle était vraiment splendide ainsi. Sa main libre se permit de remonter le long du ventre de Kagami, s'arrêtant juste avant sa poitrine. Elle se pencha lentement vers l'avant, effleurant son oreille glacée de sa bouche tiède. « Quand tu seras capable de me vaincre, » chuchota-t-elle, « tu pourras faire partie de mes dames. » Kagami n'avait plus froid du tout. Fin du chapitre 1. Sera ravie, les toits à se renoir, gris.